de fées en français. Le vieil homme et son petit-fils. Il était une fois, dans un petit village, un père célibataire du nom de Jack. Jack était connu comme Jack le Bienheureux par les gens du village. Parce qu'il était toujours de bonne humeur, en dépit de toute situation. Oh, Jack le Bienheureux, tu vas à la pêche, hein? Oh, je préfère nager avec les poissons que de les sortir de l'eau. Tu es incroyable, Jack. Bonne journée. Vous aussi, monsieur. Jack le Bienheureux, où allez-vous? Je rentre à la maison. Dites bonjour au petit Hansel. Je le ferai certainement. Jack aimait son fils Hansel, car il était sa seule personne au monde. Il avait pris bien soin de son fils et ne l'avait jamais laissé sentir l'absence d'une mère. Mange ton brocoli ou le monstre géant viendra te le manger et deviendra très fort. Tu veux que le monstre soit plus fort que toi? Non, je veux pas. Hansel, il est temps de prendre une douche. Il fait si froid aujourd'hui. Je n'en ai vraiment pas envie. Eh bien, mon fils, si tu ne prends pas de douche, alors tu vas commencer à sentir et personne ne sera ami avec toi. Tu veux ça? Non, je veux pas. Un jour, alors que Hansel buvait sa soupe dans un bol, il le lâcha et il se brisa. Le pauvre Hansel se mit à pleurer, mais son père vint vite pour le consoler. Oh, mon fils, ce n'est pas grave. Je vais t'acheter un nouveau bol. Ne t'inquiète pas. Merci, papa. Le temps passa et Hansel grandit et devint un bel homme. Tout le monde dans le village l'appelait le bel Hansel. Regardez, le bel Hansel est arrivé. Il ressemble à un rêve. Hey, bel Hansel, vous voulez aller chercher de l'eau de coco avec moi? Oui, bien sûr, mais peut-être un autre jour. Je dois m'occuper de mon père tout de suite. Oh, Jack le vieux, passez-lui le bonjour, d'accord? Je vais le faire. Jack le Bienheureux était maintenant connu sous le nom de Jack le Vieux. Il était devenu vieux et faible, et sa grâce s'estompait. Mais Hansel avait pris bien soin de lui et s'assurait d'être toujours à ses côtés chaque fois qu'il avait besoin de lui. Les jours passèrent et Hansel tomba bientôt amoureux d'une fille appelée Elsie. Ils s'aimaient tellement qu'ils décidèrent de se marier. Bientôt, avec les bénédictions de Jack, Hansel et Elsie se marièrent. Jack était très heureux pour son fils, mais il n'imaginait pas ce qui allait arriver. Quelques mois plus tard, Elsie commença à montrer sa vraie nature. Elle éloignait Hansel de son père et bientôt, Hansel en fut transformé. Tout l'amour et le respect qu'il avait eu pour son père diminuaient peu à peu à mesure qu'il s'attachait davantage à sa femme. Elsie contrôlait Hansel et s'assurait qu'il accomplisse ses caprices et ses fantaisies. Hansel, où vas-tu? Dis-moi. Je vais voir mon père. Je veux m'assurer qu'il a mangé. Tout ce que tu fais, c'est penser à ton père. Et moi alors, Hansel? Et moi? Tu n'as pas de responsabilité envers moi alors? Bien sûr que si, ma chérie. Tiens, je vais m'asseoir avec toi. Contente? Et ainsi, Elsie réussit à entraîner Hansel loin de son propre père. Elle voulait son mari pour elle toute seule. Elle commença à se comporter grossièrement avec Jack. Cela influença Hansel de telle manière qu'il cessa de se soucier du bien-être de son père. Ton père dort tout le temps. Je ne peux plus supporter son ronflement. Père, essaye de faire attention, s'il te plaît. Et bientôt, Jack commençait à se sentir plus seul et éloigné de son fils. Il n'avait personne à qui parler pour partager ses émotions. Un an s'écoula et Elsie donna naissance à un fils qu'ils appelèrent Harry. Le petit Harry changea la vie de Jack. Il jouait avec Harry et prenait bien soin de lui comme il en avait eu l'habitude. Mais Elsie n'aimait pas que Harry soit proche de son grand-père. Hansel, tu ne m'aimes pas du tout. Tout ton amour n'est que pour ton père. Ça n'est pas ça du tout, ma chérie. Alors, pourquoi ne pas l'envoyer dans une maison de retraite? Tu peux m'expliquer? Nous ne pouvons pas car c'est sa maison. Et aussi, nous avons besoin de quelqu'un pour prendre soin d'Harry. Elsie hocha la tête car elle réalisa que Hansel avait raison. Toute seule, elle ne pouvait pas s'occuper des tâches quotidiennes et du petit Harry. Tu as raison, mais je te le dis maintenant, ça ne peut pas durer éternellement. Je veux qu'il parte de cette maison bientôt. Oui, bien sûr, mon amour. 8 ans s'écoulèrent depuis la naissance de Harry. Jack le vieux vieillissait et s'affaiblissait. Sa vue baissait, son ouïe diminuait et ses mains et ses genoux tremblaient. Son petit-fils était la seule raison qui le tenait en vie. Bientôt, la situation de Jack s'aggrava. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait même pas tenir sa cuillère correctement en mangeant. Un jour, assis à table, alors qu'il pouvait à peine tenir la cuillère, il renversa le bouillon sur la nappe. Cela rendit Elsie furieuse et sans compassion. « Oh mon Dieu! C'est une nappe de grande valeur! Je l'ai eue sur le marché! Qui va la laver maintenant ?» Hansel essaya de consoler sa femme. « Calme-toi, mon amour !»« Me calmer ! Tu sais à quel point j'adore cette nappe !» Hansel prit une grande inspiration et prit la décision que dès le lendemain matin, Jack ne viendrait plus manger à table. Et donc, à partir du lendemain, Jack dut s'asseoir dans un coin derrière la cuisinière. On lui servit la nourriture dans un bol en faïence. Mais la main de Jack tremblait, le bol échappa de sa main et se brisa en morceaux. Elsie accourut à la cuisine. Oh non! C'était un bol de faïence de valeur que ma famille m'avait offert, enfin! Vous, le vieux, vous vivez des revenus de mon mari et gaspillez notre argent! Vous ne méritez pas d'être servi dans un bol aussi cher! Mais Jack ne dit rien et soupira désespéré en regardant les morceaux de bol cassés. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pendant ce temps, le petit Harry regardait tout ça dans un coin. Jack était profondément blessé par le comportement de son fils et de sa belle-fille. Impuissant, il pensait souvent au passé quand Hansel était enfant. Oh, mon garçon, ce n'est pas grave. Je vais t'acheter un nouveau bol. Ne t'inquiète pas. Dès le lendemain, Elsie et Hansel lui achetèrent un bol en bois pour quelques centimes, dans lequel Jack dut manger. Mais Harry était la seule chose qui faisait sourire Jack. Harry venait souvent s'asseoir à côté de Jack jusqu'à ce qu'il ait fini son repas. Les semaines passèrent et la triste routine de Jack continua. Un jour, alors qu'Elsie et Hansel étaient assis près du feu, ils remarquèrent Harry ramasser des morceaux de bois. « Regardez comme notre fils joue innocemment !»« Qu'est-ce que tu fais, Harry? Tu construis une maison pour nous ?»« Non, j'ai l'intention de vous faire des bols en bois !» Bol en bois pour nous? Mais mon garçon, on n'a pas besoin de bol en bois. Ce n'est pas pour maintenant. Mais quand tu seras vieux comme grand-père, je ne veux pas que tu casses la faïence. C'est pour ça que je commence maintenant. Cela toucha Hansel et Elsie directement au cœur. Ils réalisèrent alors leur erreur. Oh, Elsie, comment avons-nous été aussi injustes? Oui, mon amour. Nous avons été cruels et méchants envers ton père. Désolée, notre fils nous a ouvert les yeux. Repentons-nous et traitons-le mieux, d'accord? Ainsi, à partir du lendemain, ils prirent bien soin de Jack. Ils veillèrent à ce qu'il mange toujours avec eux. Ils s'assurèrent qu'ils étaient toujours joyeux et gais, comme il avait l'habitude d'être. Hansel jurait de toujours prendre soin de son père. C'est son fils qui lui avait fait comprendre qu'il fallait toujours s'occuper de ses parents quand ils sont vieux. Car ils ont pris soin de vous quand on était jeunes.